Récit d'Allemagne. Les tribulations d'un revenant par Reinhardt. Voici donc l'endroit que je suis condamné à hanter, murmura une voix d'une extrême ténuité. À vrai dire, l'endroit était fort triste. C'était un grenier auquel conduisait un mauvais escalier vermoulu. Il y faisait horriblement froid, et la neige y entrait par les crevasses du toit. Le revenant qui, assis sur le degré le plus élevé de l'escalier, venait de prononcer ces paroles, était positivement gelé. Car il faut savoir que les revenants, bien que ne souffrant plus de la faim ni de la soif, sont encore sensibles à l'action du froid et de la chaleur. Moitié ombre, moitié caoutchouc, ils peuvent se glisser par les trous des serrures et par les crevasses des murailles, mais ils ne sauraient traverser directement les pierres et le bois. L'aspect de notre revenant était assez grotesque. Le froid et l'inquiétude lui avaient tellement allongé la figure qu'elle ressemblait à la caricature qu'on voit quand on se mire dans une cuillère. Il portait des lunettes sur le nez et sur la tête un bonnet de coton. Une vieille chemise de nuit l'enveloppait à demi. Son caleçon troué s'arrêtait à mi-jambe. Il était entièrement transparent, de façon qu'à travers le revenant, on pouvait apercevoir et compter les degrés de l'escalier. Une seule partie de son costume avait plus de consistance que le reste. C'était sa cravate, qui se composait d'une vieille corde à suspendre le linge. Un nœud coulant la serrait autour de son cou. L'autre extrémité pendait jusqu'à terre. J'ai connu ce pauvre diable lorsqu'il vivait encore. C'était un vieux tailleur qui dut lutter toute sa vie contre le chagrin et ne sut jamais payer son loyer au jour du terme. Pendant des semaines entières, il faisait son apprentissage de revenant en se glissant comme un chat sur l'escalier afin de ne pas être aperçu par le propriétaire qui habitait le premier étage. Il lui fallait fabriquer pour les autres de bons habits chauds, tandis que, tout l'hiver, la bise lui glaçait le corps à travers ses mauvais vêtements. Cependant, il travailla si bien et avec tant de courage qu'il parvint à élever un fils, à qui il fit apprendre la musique, afin qu'il pût, par ce moyen, gagner sa vie, au lieu d'être obligé de rester les jambes croisées, comme le vieux tailleur, à côté de sa lampe solitaire. L'enfant souffla bientôt si adroitement dans sa clarinette que le vieux père en fut tout heureux. Puis son garçon grandit et fit si vaillamment sa partie dans les concerts en plein air que le tailleur ne fut plus en retard que de quelques semaines pour le paiement du terme. Pauvre vieux sot! Il avait cru élever son fils pour lui servir d'appui dans ses vieux jours. Son erreur ne devait pas durer longtemps, car dès que son fils eut 20 ans, l'État, qui, jusqu'alors, ne s'était guère occupé de lui, le prit pour en faire un soldat et l'empêcha ainsi de gagner le pain du vieux tailleur. Pendant une année, le vieillard supporta courageusement le froid et la faim, espérant que, à la Noël, son fils obtiendrait un congé de quelques semaines et viendrait le passer avec lui. C'était la veille de Noël. Le tailleur avait rapporté à la maison un hareng tout entier. Il avait pelé quelques pommes et les avait coupées en petits morceaux, ainsi que quelques pommes de terre, et se préparait à ajouter 2 oignons à ce plat succulent. Les larmes coulaient de ses yeux. Les oignons y étaient bien pour quelque chose. Mais il y avait aussi un autre motif. On lui avait remis de la part du propriétaire un papier timbré pour lequel il avait dû payer 2 groschen, le menaçant de le mettre à la porte s'il ne payait pas son loyer. Des pas gravirent l'escalier. Le vieillard dirigea ses yeux humides vers la porte où son fils allait paraître. Non, c'était le facteur. Il apportait une petite lettre sur papier gris, non affranchie, 4 groschen. Le tailleur les donna, le facteur s'en alla et le vieillard mit ses lunettes. « Il n'aura pas obtenu de congé, » murmura-t-il tristement en ouvrant la lettre. Il lut. Une terrible contraction passa sur son visage. « On lui a donné congé pour toujours » cria-t-il avec désespoir. « Il ne lui reste plus qu'à mendier. » L'administration lui annonçait sèchement que, 8 jours auparavant, son fils, à son poste de sentinelle, avait eu les 2 mains gelées et qu'il avait fallu lui amputer les doigts. Un musicien sans doigts, il ne lui reste plus qu'à mendier. Cette pauvre âme, si courageuse, qui s'était cramponnée pendant si longtemps à ce misérable corps, ne put supporter ce dernier coup. Le vieux tailleur promena autour de lui un regard désespéré. Il se glissa hors de sa chambrette et pénétra chez sa voisine, la blanchisseuse, pour la voler. Oui, il lui déroba un morceau de sa corde à pendre le linge, puis il gravit sans bruit l'escalier. Et se glissant dans le coin le plus obscur du grenier, il se pendit. « Voici donc l'endroit que je dois hanter, » murmura le revenant, regardant la poutre à laquelle il s'était pendu quelques jours auparavant. Son corps n'y était plus, car le propriétaire, se rendant le soir même au grenier, armé d'une lanterne pour prendre le piédestal de l'arbre de Noël, avait aperçu le cadavre et, tout épouvanté, avait roulé jusqu'au bas de l'escalier. « Ah !» reprit l'ombre, « si je pouvais hanter une chambre bien chauffée, au-dessous chez le propriétaire, par exemple !» Et le revenant se glissa le long des degrés afin de rendre visite au maître de la maison. Parvenu au palier, il entendit 2 personnes qui montaient et s'arrêta, car il avait reconnu le propriétaire à la voix. Et le fantôme se souvint qu'il devait encore son dernier terme. Fidèle au caractère qu'il avait eu pendant sa vie, il se sentit tout honteux de sa dette et n'osa avancer. Le propriétaire, une lampe allumée à la main, accompagnait la blanchisseuse sur l'escalier, car la bonne femme avait peur de monter seule le soir, sa corde ayant servi au suicide du tailleur. Au moment où elle ouvrait sa porte, elle aperçut le revenant sur l'escalier, étendit le bras vers lui et demeura paralysée par la peur. Le propriétaire, qui se trouvait derrière elle, éleva la lampe au-dessus de sa tête et regarda dans la direction qu'indiquait la blanchisseuse. Dès qu'il aperçut le fantôme, il se mit à trembler de tous ses membres. Les yeux lui sortirent de la tête, sa bouche s'ouvrit et ses cheveux se hérissèrent comme les piquants d'un porc-épic. Le revenant, pour s'excuser, essaya d'ôter son bonnet. Ce mouvement tira la blanchisseuse de son immobilité. Elle retomba en arrière sur le propriétaire et roula avec lui sur les degrés. La bonne de la blanchisseuse, qui montait avec 2 cruches pleines d'eau, fut renversée du coup et au bout de quelques secondes, le propriétaire, la bonne, sa maîtresse, la lampe et les deux cruches gisaient au bas de l'escalier. L'homme et les deux femmes se relevèrent prestement et s'enfuirent hors de la maison en criant « Le spectre ! Le spectre !» Celui-ci, apercevant un bon feu qui brillait à travers la porte ouverte de la chambre de la blanchisseuse, se glissa dans la pièce. Très inquiet, car il se disait qu'on pourrait venir le chasser, il s'introduisit dans la paillasse sur laquelle couchait la bonne. Il espérait y passer la nuit dans une chaleur agréable et jouir en même temps de l'odeur du punch, car c'était la Saint-Sylvestre et déjà le rhum, le sucre et les citrons étaient préparés sur la table. Vers 10 heures, tous les habitants de la maison arrivèrent dans la pièce. Parmi eux se trouvait le fils de la blanchisseuse, armé de son fusil, car il était garde forestier. On fit le punch. On oublia le revenant, et tout le monde se mit à rire et à chanter. À minuit, on se souhaita la bonne année, et la société se retira. La blanchisseuse se mit au lit, tandis que le garde ôtait ses grandes bottes et s'étendait sur le canapé. La bonne se jeta sur la paillasse, à l'intérieur de laquelle le revenant se faisait aussi mince que possible. Cependant, la servante s'écria, après s'être retournée plusieurs fois, « Je ne suis pas bien, on dirait qu'il y a quelque chose dans ma paillasse. » « C'est peut-être une souris, » fit la blanchisseuse qui se leva et ralluma la lampe. « Nous allons voir ça, » dit le garde s'armant du tire-botte. La blanchisseuse, munie de la lampe, vint examiner de près la paillasse. « Tiens, » fit-elle, « la corde au linge est dans la paillasse. Cela ne m'étonne plus que tu ne puisses pas dormir. » Et saisissant le bout de la corde, elle tira dessus. On sait que la corde qui formait la cravate du revenant avait encore quelque consistance. C'était la seule chose qui rattacha le fantôme à la terre, et cette malheureuse corde était restée dehors quand il s'était glissé dans la paillasse. La blanchisseuse, à force de tirer, fit sortir le revenant, qui apparut tout aplati comme une vieille chemise mouillée. Dès que la blanchisseuse reconnut le spectre du tailleur, elle jeta la lampe sous le poêle, s'élança dans son lit, se cacha sous les couvertures et se mit à crier de toutes ses forces « Au secours !» La bonne imita sa maîtresse, et le garde se mit à jurer d'une façon épouvantable, car il mourait de peur. Le fantôme était encore plus effrayé que les autres et parcourait la pièce comme un fou pour trouver une issue. Dans son désespoir, il ne put distinguer le trou de la serrure et la corde qu'il traînait toujours après lui renversait les tasses et les verres de façon que le vacarme était affreux. Enfin, il trouva sur le parquet une espèce de vaste entonnoir et s'y réfugia. Malheureusement pour lui, c'était dans la botte du garde qu'il s'était enfoui, juste au moment où celui-ci, qui avait assez de cette scène, allait se rechausser. N'eût été cette malheureuse corde, le revenant eût encore pu rester blotti entre la semelle et le pied du garde. Mais celui-ci s'aperçut tout de suite de la présence de cette corde révélatrice et la jeta contre le mur en jurant. L'infortuné fantôme, chassé de la botte, s'élança vers la fenêtre comme un oiseau qui cherche à sortir de sa cage. Mais elle était fermée, et il finit par se blottir dans le fusil du garde, jugeant qu'on ne penserait pas à le chercher là. Sa corde l'y suivit et s'enroula comme un ruban autour de l'arme. Or, le fusil était chargé. Naturellement, le garde marcha sur la corde, le coup partit et le revenant fut lancé contre le mur où il s'aplatit comme un ballon crevé. La bonne ouvrit la fenêtre et cria « Au secours !» Profitant de l'occasion, le revenant bondit par-dessus la tête de la servante, fendit l'air, sortit de la ville et finit par se blottir près d'une petite famille de hiboux dans le creux d'un arbre où il est beaucoup plus heureux que lorsqu'il était en vie. Maurice Reynolds.